ici même d'où je suis, non pas sur ma chaise assis, mais debout sur la pointe des pieds, respirant l'air frais à plein nez. Je vois le bâtiment d'en face qui me revient en pleine face, gris salé de la même couleur que celle de mon paysage intérieur. D'une main accrochée au barreau, de l'autre je brise le carreau. Manquant d'air, tu penses, j'ai tout fait par ce joli mois de mai. Et dans la rue passait une fille, tout de suite j'en eus envie. Viens sous roche, ma belle anguille, je te filerai de fil en aiguille. Elle disparut de ma vue, je la voyais déjà toute nue, et compris que ces soirs de liberté, elle avait d'autres chats à fouetter. Mes pensées viraient au noir, englouties dans l'entonnoir. J'avais bon faire le Gilles, la fête se déroulait en ville. Très chère prison de Saint-Gilles, de Binche, quel carnaval. Des bourrés de détenus civils, tout comme moi, non pas en cavale. Excuse-moi si j'ai la nausée, si dépourvu de mes mentales facultés, c'est la raison de ce blocage. Je deviens fou de me sentir en cage. Sortant d'une embuscade, par un temps infecté maussade, une patrouille me tomba sur le rable. Je me mis dans une rage épouvantable, pour les avoir traités de cons dans l'exercice de leurs fonctions. Je pris sans sursis un mois ferme pour outrage et discours, discours baliverne. Je venais de faire la valise, laissant ma femme vivre à sa guise. J'en mets ma guitare, mes chansons, ma brosse à dents, deux, trois caleçons. Hier encore dans la soirée, je me servais une tasse de thé. Du bout des lèvres, je tirais ma gauloise, avant que ces messieurs ne me cherchent noise. Tandis que le gardien de son œil sournois m'observe de par le Judas, un bras d'honneur je lui fis, il en resta tout interdit. Tournant rond comme un chien, dans mon enclos forcé enclin, à faire les 100 pas afin que de passer de vie à trépas. Alors afin de ne pas penser, j'ai préféré rêver. Et je te dirai que sur la lune, les Dupont y font les cons, que dans le sable chaud des dunes, le soleil est chaudement bon. Alors afin de ne pas penser, j'ai préféré rêver.